là, je me mets, je suis content. Je suis content d'être avec vous encore ce matin et de pouvoir mettre un ruban à l'entour pour terminer notre série d'études sur la prière. On va mettre une fin à cela. C'est mon dernier temps avec vous pour l'année 2009. Et donc, on va se revoir peut-être, Dieu voulant, après les fêtes, Dieu voulant. C'est le sujet de prière, dans mes rencontres avec les chrétiens, dans mes partages avec les frères et sœurs, c'est un sujet qui revient assez régulièrement, assez souvent. On parlait avec hier avec une personne, puis elle m'a ramené des « Ouais, mais elle dit, Dieu a dit, si je demandais avec foi, je l'aurais. » Puis là, elle dit, « Mais... ça ne marche pas tout le temps. » C'est pourquoi elle dit que c'est elle est venue un petit peu à la pensée que j'avais eu un moment donné dans ma vie. C'était, mais si je ne l'ai pas cette fois-là, si ça n'arrive pas, c'est parce que je manque de foi. Mais je ne savais pas quoi faire pour avoir la foi qu'il disait d'avoir. Je ne savais pas. Je disais, Seigneur, donne-moi l'air. Je ne l'ai pas. Donne-moi l'air. Tu sais, là, je ne savais pas. Fait qu'il devait, elle était un peu perturbée parce qu'elle ne comprenait pas exactement qu'est-ce que ça voulait venir. Ça voulait dire sur ces passages-là. Donc, jusqu'à date, on a vu que la prière était une relation. C'est premièrement pour avoir une relation avec une personne. Ce n'est pas, premièrement, une pensée en pétition. Il ne faut pas penser comme ça. C'est plutôt vraiment, je m'adresse à une personne pour lui parler. Et à cause de mon arrière-plan, puis à cause de mon état de pécheur que j'étais et que je suis, on voit ça plutôt comme mes relations humaines sont semblables à ça aussi. Quelqu'un m'a déjà dit, tu viens nous voir quand tu as besoin. Personne ne vous a jamais dit ça, vous autres? Tu viens me parler quand tu as besoin. J'appelle quelqu'un, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, là. Finalement, il attend que je lui demande qu'est-ce que vous voulez lui demander. Pourquoi tu m'as appelé, là? C'était pas vraiment pour me dire bonjour, tu veux quelque chose, là? Oui, je voudrais emprunter ton trailer. C'est pour ça que tu m'appelles. C'est, la prière, c'est pas ça, là. C'est pas ça, la prière. C'est pas, j'ai besoin de quelque chose, puis je vais parler avec Dieu, puis je vais demander ce que j'ai à lui demander. Ça fait partie de cela, mais c'est pas ça, premièrement, la prière. Et on a vu que, la deuxième chose qu'on a vu, c'est que dans Matthieu 6, que la prière, c'est un moyen pour s'adresser à une personne. Je suis surpris de voir à quel point on a été marqué par le fait qu'on s'est adressé pendant des décennies, pour certains d'entre nous, à des morceaux de plâtre ou des morceaux de bois. Ou des fois, tu parlais avec quelqu'un, c'est pas j'avais déjà remarqué, vous parlez avec quelqu'un, puis pendant que vous parlez, il commence à frotter sa médaille ou son crucifix dans le cou. Parce qu'il pense qu'il y a quelque chose là, qui se passe. Là. On est marqué un peu par ça. Malgré que les Juifs avaient été élevés dans la foi qu'il y avait juste un seul Dieu, Jéhovah, Jésus est obligé de leur dire, dans Matthieu 6, ne priez pas comme les païens. Pourquoi il est obligé de leur dire ça? Ils n'ont pas été élevés comme païens, eux autres. Mais il est obligé de leur dire pareil. Parce que c'est la tendance humaine de pécheur de faire cela. C'est la tendance de pécheur. La tendance du pécheur, c'est on s'en va vers un être suprême et on voudrait que lui soit là à notre service puis qu'on lui demande des choses puis qu'il fasse ça pour nous autres. Mais c'est pas tout à fait ça, c'est une personne. Puis on a vu que cette personne-là, elle est divine. Elle n'est pas comme les autres personnes à qui vous parlez. Elle n'est pas comme ça. Elle est divine, cette personne-là. Ça veut dire qu'elle a des attributs qui, quand on s'adresse à cette personne-là, il faut pas s'imaginer qu'elle est comme une personne, qu'elle est comme notre épouse, ou comme notre mari, ou comme notre père, ou comme notre mère. Elle n'est pas comme ça, cette personne-là. Donc, je ne vais pas oublier ça. Je m'approche devant une personne qui sait tout. J'avais déjà pensé ça, vous arrêtez, là, vous êtes allé à quelque part pour prier, et là, vous arrêtez, puis vous dites, j'ai pas commencé, puis c'est déjà. J'avais déjà pensé ça? Là, tu es là. Ouais. Pourquoi je dirais? c'est déjà... Et c'est déjà avant que je lui dise là, ce que je voudrais, avant que je lui dise ce que j'ai, comment je me sens, et c'est déjà. Ma femme a dit ça des fois. « Ah, je sais ce que tu vas dire. » Ouais, dis-moi les dents. Puis 99% du temps, c'est trompe. Elle pense qu'elle sait, mais elle sait pas. Mais quand Dieu lui dit « Je sais ce que tu vas dire avant », je dois me rappeler ça quand je vais prier aussi. Ça va influencer, parce que Jésus le dit dans Matthieu 6. N'oubliez pas, avant que tu, ça sorte de ta bouche, je sais déjà ce que tu vas dire. Donc, tu n'as pas besoin comme faire, comme les païens vont faire. Donc, c'est une personne, n'oublions pas ça. Et on a dit qu'on s'adresse à une personne qui a déjà un plan très précis pour le monde. Il a déjà un plan très précis pour l'Église de ce qu'elle va faire, comment elle va se développer, qu'est-ce qu'elle va atteindre comme numériquement parlant ou quoi que ce soit. Il y a ce Seigneur-là, il y a un plan aussi pour votre vie très précise. C'est pour ça que Jacques va dire, quand vous voulez faire quelque chose, elle est spécialiste de Jacques, avant de faire quelque chose, dites si Dieu le veut. C'est pour ça qu'il dit ça. Parce qu'il dit, quand tu vas pour prier, rappelle-toi que celui à qui tu t'adresses a déjà un plan très précis de la journée que tu vas faire. Fait qu'essaye pas de lui faire changer le plan. Tu vas avoir des petits problèmes. Si dans sa tête, son plan est déjà fait, et ce plan-là, on devrait se rappeler, le plan est parfait. Il est sage, il est parfait. Il tient compte de toutes les données passées, présentes et futures. Il sait tout ce qui va arriver demain dans ta vie. Donc lui, il prend des décisions très sages. Moi, j'ai fait des décisions dans ma vie si j'avais su demain. J'ai savais su demain. Je ne les aurais pas faites. Je ne les aurais pas demandées. Je ne les aurais même pas priées si j'avais su demain. Mais Dieu sait demain, lui. Donc, il ne faut pas oublier ça. Je ne m'en vais pas dans la prière parce que la personne à qui je m'adresse a déjà un plan. Il a déjà décrété des choses. Donc, je ne m'en vais pas là pour lui faire changer son plan. Je m'en vais là pourquoi? Pour lui demander qu'il m'aide à faire le plan avec lui. De travailler dans son plan. De travailler dans son Église. Parce qu'il y a déjà un plan de ça. Et je crois pas que c'était donné dans cette pensée-là. Je vois Dieu a un plan qui pleuve aujourd'hui, mais moi j'ai décidé que je voudrais qu'il fasse beau. Parce que je vais faire mon pique-nique. Donc je vais lui demander qu'il change son plan. Puis ton frère à côté, lui, a décidé qu'il allait planter ses tomates, puis il veut de la pluie, fait qu'il va prier qu'il y ait de la pluie. Fait que là, ça devient difficile un petit peu. C'est pas ça le but. Mais si Dieu, dans son plan, a décidé qu'il faisait quelque chose, est-ce que moi, je vais prier, Seigneur, aide-moi à me soumettre de plein gré à ce plan-là. Aide-moi à voir que ce plan-là est parfait. Aide-moi à voir qu'est-ce que je peux faire maintenant pour servir dans ce plan-là. Comment je peux faire connaître au monde autour de moi, à ma femme, à mes enfants, à mes amis, comment parler à ces gens-là que le plan de Dieu est parfait pour nos vies. Comme on veut leur parler aussi que le plan de Dieu pour notre salut est parfait. On veut leur dire ça. Mais c'est pas juste le plan de salut qui est parfait, c'est tout le restant du plan aussi qui est parfait. Fait qu'on était rendu là, on avait vu ça la dernière fois, et ce matin, avant d'entrer dans le sujet que je voudrais bien vous parler ce matin, je vais finir le sermon de la dernière fois. J'ai un petit bout que j'aimerais rajouter pour le terminer. Et ensuite, on va faire l'étude de la parabole du juge inique et la parabole de l'homme qui s'en va voir son voisin pour demander du pain. OK? C'est des sujets, des paraboles qui s'adressent un peu à la prière. On va voir ça après. Mais j'aimerais qu'on finisse une petite chose que j'aimerais qu'on regarde avant. La nouvelle alliance a commencé où et quand? À la mort de Jésus, à la résurrection, à la Pentecôte. La nouvelle alliance a commencé à la Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit dans le cœur des gens, avec cette régénération qui se faisait. Tout ce qui était avant ça, fait partie encore de l'Ancienne Alliance, et ça commence, la Nouvelle Alliance commence là. Si vous lisez dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, quand on parle de la Nouvelle Alliance, on dit « Je leur donnerai un cœur nouveau, je leur donnerai mon Esprit Saint dans leur cœur, et là, là, là, et la Nouvelle Alliance commence là. » Quand vous lisez les Évangiles, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça. Nous, non, dans notre tête, les Évangiles sont dans le Nouveau Testament, donc ils font partie de la Nouvelle Alliance. Mais Jésus a vécu dans l'Ancienne Alliance. Il a passé 33 ans de sa vie dans l'Ancienne Alliance. Il était en train d'inaugurer en même temps la Nouvelle Alliance. Mais lui a vécu dans l'Ancienne Alliance. C'est pour ça qu'il est allé au Temple, il a pratiqué la loi, il a été circoncis. En tout cas, il a vécu sous l'Ancienne Alliance. Et il s'adressait, lui, dans les Évangiles, pas à l'Église, comme on le connaît dans la Nouvelle Alliance. Il s'est adressé, lui, à des gens qui étaient sous l'Ancienne Alliance et qui attendaient la venue du Messie. Donc, il parle à des gens, en grande partie, qui sont là dans l'Ancien Testament. Ils comprennent pas tout ce qui commence à se passer, mais c'est à eux autres qui parlent. Il faut se souvenir de ça. Parce que des fois, on lit les Évangiles et on pense que ben, Jésus dit ça à l'Église, là. Mais non, l'Église n'a pas commencé. Puis souvenez-vous, 90% du temps, Jésus s'adresse à des foules d'inconvertis. Pas à des chrétiens. Puis il y a des foules de ces gens-là qui sont là, que quand Jésus parle, à un moment donné, ils font « gna gna gna gna » puis s'en vont. Ils ne reviennent plus. Hein? Vous avez des passages qui vous disent ça. Et une grande partie de ses disciples l'abandonnèrent, ne revint plus avec lui. Parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'il disait. Donc, ce n'est pas les chrétiens, c'est là, non. Fait que nous, quand on lit ces passages-là, il faut faire attention quand on s'adresse à nous et dire « ça, c'est pour les chrétiens, c'est là. C'est pour moi, ça. Hein, attention. » Moi, des fois, je dis à des pasteurs « non, je m'en appelle avec ça, là. Moi, je suis chrétien, c'est là. Ça, c'était pas pour moi, c'était pour les inconvertis, pour qu'ils deviennent chrétiens. Moi, je suis chrétien, c'est là. Attention, quand même. Qu'est-ce que tu me dis, là? » Et si je vous parle de ça, c'est parce que toutes ces... Je vous avais parlé au début, là, 3-4 mois, les 7-6 à la prière, si vous demandez avec foi, si vous demandez selon sa volonté, si vous demandez en son nom, si vous demandez ici, si vous demandez sa volonté, il y en avait 7 que je vais nommer. Ces 7-là se retrouvent où? Dans les Épîtres ou dans les Évangiles? Dans les Évangiles. Jésus disait-il ça à des croyants? « Hé, François, t'es croyant, ça fait 30 ans, si tu demandes avec foi, là, mais je vais te donner ce que tu demandes avec foi, là. » C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça que c'est pas... Le contexte, c'est pas ça. Il dit ça à un inconverti. Si tu demandes avec foi, je vais te donner. Si tu demandes avec... Le converti... Pourquoi il dirait ça à un inconverti? On se pose la question, là. Pourquoi il dit ça à un inconverti? Pourquoi il dit, à la fin de son sermon sur la montagne, « Si vous demandez... Si vous frappez, je vais ouvrir. Si vous demandez, vous allez recevoir. » Pourquoi il dit ça à la fin du sermon sur la montagne, à une gang de monde qui était là, qui était peut-être, je ne sais pas moi, 5 000, 10 000, 20 000, je ne sais pas comment ce qu'il était, mais c'est tout ce gang-là, c'était plutôt des chrétiens, il ne faut pas penser que c'était tous des chrétiens. C'est ici, là, je vous encourage, je vous propose de voir que c'est ici-là qu'on retrouve, que nous, on applique à nous, les chrétiens, pour être exaucés dans nos prières, s'adresser à des inconvertis pour qu'ils deviennent chrétiens. C'est bien différent, ça, mes frères et sœurs. C'est bien différent. Et c'est ça que j'ai fait quand j'étais un inconverti. Jésus dit, si tu te repens et tu crois, je vais te sauver. Il me dit ça à moi, en tant que converti. Et je... les fêtes. Et il m'a-tu donné ce que j'avais demandé par la foi? Ben oui! Il me l'a demandé, il me l'a donné tout de suite. Voyez-vous, si je le prends et je l'applique à un inconverti qui, lui, décide, par la grâce de Dieu, croire, hein, Jésus lui donne tout de suite ce qu'il a demandé. Nous, on l'applique après ça pour nous autres, on essaie de mettre ça en pratique de nos vies, puis 90% du temps, ça n'arrive pas, puis on se décourage, on sait pas, on se dit, ben, pourquoi ça ne marche pas, là? Vous avez jamais posé la question? Je me pose encore, puis je vais souvent là-dessus dans ma vie, parce que je me dis, François, il y a 30 quelques années, tu étais en campagne à Saint-Rémy-de-Tinouic, dans un petit village perdu dans le fin fond du bois. Tu connaissais à peu près rien de la Bible. ta vie était toute travers. Tu as fait une prière qui a duré quelques secondes, juste quelques secondes, et ça a changé ta vie pour l'éternité. Tu étais un pauvre ignorant, là. Et tu as dit à Dieu, tu as demandé à Dieu, en tout cas, moi je crois que c'était la plus importante de mes prières. Bien plus important que savoir si vous pouvez prévoir ou pas ça. J'ai dit à Dieu, sauve-moi, fais de moi un héritier du ciel et de la terre. Je n'ai pas dit ça de même, puisque je ne connaissais pas tous les termes, là. C'est ça que ça voulait dire. Seigneur, fais de moi ton enfant, transporte-moi du monde des ténèbres au monde de la lumière, ressuscite-moi d'entre les morts, donne-moi la vie. Et il dit, yes, sir, je t'adore. C'est fini. Et ça a changé ma vie pour l'éternité. Aujourd'hui, on prie, puis on a l'impression que tout d'un coup, on a moins de foi que quand on était sauvé. On pense que Dieu va répondre moins que quand j'étais un pauvre inconverti. J'en ai converti quand j'ai prié ça, là. Je n'étais pas encore chrétien, là, quand je l'ai prié, j'allais, là. Pourtant, j'ai été exaucé, tout de suite. Il me l'a donné, la foi et la nouvelle naissance et tout ce qui vient avec, le Saint-Esprit, puis, en tout cas, toutes les expressions que je pourrais mettre pour vous montrer que c'était grand. Et j'ai même pas fini, après 33 ans de vie chrétienne, j'ai même pas fini de découvrir ce qu'il m'a donné là, cette journée-là. Il en a donné un paquet, je vous garantis. J'ai même pas fini de découvrir tout ce qu'il m'a donné. C'est, en réponse à cette petite prière-là que j'ai faite dans le bois, Saint-Rémy-Tinouic. Rappelez-vous ça quand vous priez. Ça va vous donner tout un gars. Hey, s'il m'a donné celle-là, vous allez voir. Si je prie encore comme lui me l'a dit, s'il me dit, François, je te dis, je vais te le donner si tu demandes. Mais s'il le dit, demande-le, vous allez l'avoir. S'il l'a dit. 90-15% de ce qu'on demande, il ne l'a pas dit. Puis on ne l'a pas. Ce qu'il ne l'a pas dit. Fait que moi, je vous encourage, si vous avez une concordance ou un ordinateur comme moi, marquez, cherchez ça dans les évangiles, les si, là. Si tu demandes avec foi, si tu ne doutes point, si tu m'honores, si tu fais ma volonté, si tu demandes à mon nom, ben, prenez ces si-là. Et allez voir les contextes en entour. C'est toujours des gens qui sont là, qui ne sont pas croyants, ou les disciples qui n'étaient pas encore croyants. Si quelqu'un dans l'Église arriverait aujourd'hui qui vous dirait, Jésus ne devait pas mourir sur une croix. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu qui meurt sur la croix. Direz-vous qu'il est chrétien? Allez, dis, répondez-moi. Non! Pierre l'a dit! Étais-tu chrétien à ce moment-là? Il était chrétien à la forme de l'Ancien Testament. Un croyant comme Moïse. Mais il n'était pas encore passé dans l'étape de la Nouvelle Alliance avec le Saint-Esprit et comprendre. Tu dis que quand tu regardes les disciples vers la fin, là, il restait juste une semaine ou deux avant qu'il meure, Jésus, là, les disciples, ils ne comprenaient pas grand-chose. Non, Dieu ne veut pas que tu meurs. Non. Dieu ne veut pas que tu meurs. Je vais sortir mon épée et je vais toutes les égouiller de la gang. Parce qu'ils ne comprenaient pas encore que le Messie devait mourir pour les sauver. Ils ne comprenaient pas ça encore. Faisons attention, quand on lit ces enseignements-là sur la prière, de pas aller plus loin que Jésus voulait bien aller. Moi, je crois que Jésus, pendant son 3 ans de ministère, ce qu'il a voulu faire, c'est d'inviter les Juifs non-croyants, non-sauvés, non-régénérés, des Juifs qui étaient dans l'Ancienne Alliance, il les invite à venir à lui, à l'accepter comme sauveur, comme Seigneur de leur vie, et qu'ils se convertissent. C'est ça qu'il a voulu faire. Le but, c'était ça. Et là, on voit ensuite ça, qui est mort, qui est ressuscité, on voit dans les actes comment ça s'est étendu, puis là, on voit dans les épîtres comment les églises vivaient. Moi, je vous encourage, quand vous voyez que vous pensez que vous trouvez un principe dans les évangiles qui s'adresse aux chrétiens, cherchez-le. Je le répète, cherchez-le dans les épîtres. Si vous ne le trouvez pas dans les épîtres, allez-y lentement. Allez-y lentement. Cette semaine, j'étais dans une église, puis quelqu'un a prêché, puis pendant qu'il a prêché, j'ai fait quelque chose que je vous dis de ne pas faire. J'ai pris mes affaires, ma Bible, j'ai cherché ailleurs. Et je vais aller voir. J'ai fait le tour de l'Apocalypse pendant qu'il prêchait pour voir ce qu'il vient de dire là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se passe ça dans le ciel? Parce que la seule fenêtre que j'ai sur le ciel, c'est l'Apocalypse. Hein, c'est ça que je veux, là. Je peux regarder un petit peu dans cette fenêtre-là. Qu'est-ce qui pourrait peut-être se passer quand je vais être dans le ciel, quand je vais mourir, quand ça va être la fin du monde, que je vais être l'autre bord dans l'évolution de la terre. Je regarde, puis il dit, non, ça se passe pas, là. Ça se passe pas, là. Soyons sages comme des colombes, prudents comme des serpents. Quand quelqu'un nous enseigne, soyons sages, allons voir, vérifions, interpellons, prions là-dessus, pour voir est-ce que c'est que j'entends, est-ce que ça vient vraiment. Hier, j'écoutais, un matin, je me suis réveillé un peu plus de bonheur que Daniel, parce que j'étais dans ma chambre, j'ai ouvert l'ordinateur, puis j'ai accès au monde entier, à travers ces petites bébelles-là, c'était, vous savez, gling-gling, j'étais allé voir un sermon, j'ai commencé à écouter un sermon, un matin, 6h30, et le gars a dit qu'aux États-Unis, il y a un homme qui il dit dans le monde évangélique là, qu'il a conduit 500 000 personnes au Seigneur, ce gars-là, dans sa vie. Il est mort aujourd'hui, ce gars-là. Et puis, ce monsieur-là, il dit, je vais vous lire son livre de théologie, ce gars-là. Il a un livre, il a écrit. Il a un livre de théologie. Je vais vous lire des passages. Et vous me direz si vous pensez qu'il est chrétien, ce gars-là. Puis là, il dit, jamais personne ne peut dire qu'il peut être justifié par la mort de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il prêchait comme évangile? C'est ça qu'il écrit dans ses lignes. Dieu, il dit, ne nous a jamais justifié. Il nous a pardonné, mais il ne nous a pas justifié. Dieu n'est pas injuste. Il ne justifiera jamais un coupable. Il dit, si tu veux qu'il justifie, il faut que tu sois saint. Si tu es saint, il va te justifier. Il dit, ouais, ça ne fitterait pas à Val-d'Or un matin, ça. Si je vous dirais ça un matin, vous direz, d'avoir mon alerte. Vous aviez raison de le dire. Voyez-vous, mais 500 personnes ont déclaré être chrétiens par la prédication de ce gars-là, puis le gars, il ne semble pas être chrétien dans cette théologie, en tout cas. Puis je m'attends du péché parce qu'il est mort, je ne connais pas. Mais vous voyez, il faut faire attention, ok? Il faut faire être sage. Donc, je vous encourage, ces si-là, là, c'est pas pour nous autres tout à fait. C'est pour nous autres pour qu'on devienne croyants. François, si tu avais la foi grosse comme un grain de sénévé, tu pourrais transporter des montagnes. Avez-vous cette foi grosse comme un grain de sénévé? Moi, je dis que tous les chrétiens l'ont. Tous les chrétiens l'ont, cette foi-là. Puis je veux dire, si tu l'as grosse comme un grain de sénévé, tu n'as pas besoin de plus que ça non plus. Parce qu'avec ce petit grain-là, tu peux transporter les montagnes parce que tu n'en sais. Tu n'en sais? Pas besoin d'en plus. Donc, il faut faire attention, hein? Que de quand on prend des passages qui s'adressaient à des inconvertis, que Jésus parlait à des gens non croyants encore, il leur dit à eux autres, si vous aviez la foi grosse comme un grain de sénévé, vous pourriez faire des choses inimaginables pour un être humain. Puis quand Dieu m'a donné la grâce d'avoir cette foi-là grosse comme un grain de sénévé, j'ai fait quelque chose d'inimaginable, je suis passé de la mort à la vie. C'est gros ça, là. C'est bien plus que de ton seul ta terre, ça, là. Mais plus que ton Saint-Esprit, je suis passé de la mort à la vie, je suis passé d'enfant du diable à enfant de Dieu. Je suis devenu héritier. Vous avez déjà pensé à ça? Héritier du ciel et de la terre. C'est toute une affaire. Il dit, si t'as un petit grain de sénévé, grosse comme la foi, tu as la foi grosse comme un grain de sénévé, tu vas faire des choses qu'un être humain ne peut pas faire. Ça, par la grâce de Dieu, chacun de nous qui sommes chrétiens, on le fait. Donc, il faut faire attention pour le mettre dans son contexte. OK? Ça, c'était pour finir les si, là. Parce que là, qui me dit, ouais, mais le Seigneur a dit si, si, si. Oui, si, si, si. Mais va voir les contextes avant de si, si, si. On va voir les contextes pour voir vraiment si c'est vraiment à s'adresser à des croyants qui doivent prier ou à des inconvertis qui doivent demander. Dieu dit, si tu demandes avec foi, sans douter, tu vas le voir s'accomplir. Je dis ça à des inconvertis souvent. Si tu demandes avec foi, sans douter, que Dieu te sauve, il va te sauver. Comme ça. Je l'ai dit à un inconverti. Moi, je ne dis pas ça aux chrétiens, je dis ça aux inconvertis. Parce que Jésus l'a dit aux inconvertis. Pourquoi je ne dirais pas aux inconvertis? Si tu ne doutes point, tu vas être sauvé. Et n'importe quel inconverti qui fait ça, qu'est-ce qu'il y a? Il est sauvé. Il est sauvé. Il a tout de suite la réponse. Il n'attend pas plus que ça. Il l'a. Donc, mettons-les là, vous allez voir, c'est bien plus facile à comprendre, c'est bien plus facile à vivre en tant que croyant avec ces affaires-là, parce que j'ai fait, peut-être comme vous avez fait, j'ai mis tel ici, puis j'essayais de les faire, puis j'arrivais pas. Okay, essayez de voir ça, et vous allez voir, ça va vous donner un autre aperçu. Maintenant, vous allez tourner avec moi dans Luc, chapitre 18. Sans regarder, regardez-moi ici, là, sans regarder, qu'est-ce qui vient avant Luc 18, dis-moi pas 17, OK? Qu'est-ce que Jésus est en train de parler dans 17 quand il raconte l'histoire du juge unique? Je ne sais pas tout, je te l'ai dit hier. La plupart des chrétiens ne le savent pas. Mais tout le monde connaît l'histoire du juge unique. Ils ne savent pas ce qu'il vient avec. Mais fait que nous autres, ce matin, pour que vous le sachiez, on va lire dans 17. OK? On va reculer dans 17. Je cherche là. Ouais. Attends un petit peu, je t'attends. Il est ici, là, pas là, pas là. Non, c'est pas ça que je voulais, putain. Je suis à la bonne place, moi, là. Le 17. Oui, quand. OK, il y a 22. Excusez, 22. On peut commencer à 20 aussi, ça va être la même chose. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de la manière à frapper le regard. Il ne viendra pas de la manière que vous pensez, les gars. Ça ne se fera pas de la manière que vous pensez. Et vous ne le verrez pas. Ça ne va pas frapper le regard. Les gens, le royaume de Dieu s'est établi dans le monde. Personne ne s'en est rendu compte, vraiment. Personne ne s'en est vraiment rendu compte. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu. Il est déjà au milieu de vous, le royaume de Dieu. Il est au milieu de vous. Pourquoi? Parce que Jésus était là. Le royaume de Dieu, c'est lui le roi. Quand lui est là, le royaume est là. Et il dit aux disciples maintenant. Rappelez-vous, disciples n'égale pas toujours croyants dans les évangiles. Pas toujours croyants. Il parle aux gens qui le suivaient, les foules qui le suivaient. Il les enseignait, mais pas toujours croyants. Parce qu'on en voit qui quittent après, puis ils s'en vont, puis ils veulent plus aller avec lui. OK? Puis là, quand il dit aux disciples, à moins qu'il nomme les 12, là, on sait que c'est les 12, mais quand on ne sait pas, c'est large. Des jours viendront où vous désirerez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point, et on vous dira, il est ici, il est là, n'allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera du même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient et buvaient, achetaient, vendaient, ils plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura les effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Avez-vous déjà lu ça avec votre femme avant de coucher? Il a dit, quel des deux qui va partir, ma femme? Toi ou moi? Faut pas faire ça, hein? S'il est en train de dire, c'est parce que tout le monde qui va être pris, c'est pas tout le monde qui va être enlevé. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train de dire, ta femme va partir, toi tu partiras pas, mais c'est pas ça, là. Faut pas prendre ça à la lettre comme ça. Les disciples lui disent, où sera le Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là, s'assembleront les vautours. De quoi est-ce que Jésus parle ici dans ces versets-là? C'est quoi le sujet du texte ici, là? Son avènement ou le retour du Seigneur. Hein? C'est ça qu'il est en train de parler. Il leur décrit, avant que le royaume de Dieu s'établisse d'une façon visible, il dit des choses qui doivent arriver. Je dois souffrir, je dois mourir, il va y avoir des persécutions, il va y avoir des tremblements de terre, il va y avoir ci, il va y avoir ça, et il dit, il va y avoir un paquet de choses qui vont se passer. Il parle de son retour. Puis il avait dit au début, au verset 22, vous allez vouloir voir des jours, vous allez vouloir voir un des jours du Fils de l'homme. Vous allez désirer que ça arrive, mais vous ne verrez pas ça arriver tout de suite. Il faut qu'il se passe des choses avant. Pourquoi vous pensez que ces disciples vont désirer voir le retour du Seigneur? Ils vont désirer que ça arrive, cette affaire-là. c'est pas facile leur vie. Il dit, il va se passer des choses avant. Ce sera pas facile, votre affaire. Vous allez désirer que je revienne vous chercher. Vous allez désirer que le retour du Seigneur se fasse, mais ça ne se fera pas tout de suite. Il y a une période de temps qui doit se passer avant ça. Et là, la parabole, elle vient dans ce contexte-là. Jésus est en train de leur parler à ses disciples, puis il est en train de leur dire, avant que le royaume de Dieu s'établisse, il va se passer des choses. Puis une des choses qui va se passer, mais vous allez être persécutés dans le monde, vous allez être rejetés dans le monde. Et là, il leur dit au verset 1 du chapitre 18, Jésus leur adressant une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, vous allez vouloir voir le jour, vous ne le verrez pas, ça va être difficile. Et là, il dit, il leur conte une histoire pour qu'ils continuent à prier jusqu'au retour du Seigneur. Je vous fais la suggestion ici. Cette parabole-là n'est pas été écrite pour nous dire comment prier, mais de prier. Si vous cherchez dans les paraboles des principes sur savoir comment prier, je vous dis, vous allez vous planter. Ça n'a pas été écrit pour ça. Elle a été écrite pour vous encourager à prier jusqu'à temps qu'elle revienne. Mais elle ne vous dit pas comment. Mais elle va nous donner, cette parabole-là, une raison, une promesse pour nous pousser, nous encourager à prier jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. OK? Lisons-la, cette parabole-là. Il dit, il y avait une ville, une veuve qui venait lui... Excusez, il y avait dans cette ville... J'ai sauté un verset, excusez. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice. » afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. » Vous savez ce que ça veut dire, inique? Ça veut dire quoi, inique? Injuste. Injuste. OK? « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? » Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, voyez-vous là on va clore l'enseignement sur le retour du Seigneur. Il a commencé en parlant de son retour, il va finir. Quand je vais revenir, vais-je trouver de la foi sur la terre? Vais-je trouver de la foi? Donc là, ça c'est une grande braquette là. Il a commencé en parlant du retour du Seigneur, la parabole est là-dedans, il termine avec le retour du Seigneur. Donc le sujet du texte, c'est le retour du Seigneur. Ce n'est pas la prière, c'est le retour du Seigneur le sujet. Mais incorporé là-dedans, il va mettre une parabole pour encourager ses enfants, ses disciples, à la persévérance dans la prière. Jusqu'à temps qu'ils viennent faire quoi? Qu'ils répondent à leur prière. Qu'ils leur fassent justice. C'est pas une prière. Jésus est pas en train d'enseigner. Voici, je vais vous dire quelque chose, comment faire pour avoir des réponses à vos requêtes de prière. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici, là. Il enseigne pas ça. Nous, on veut voir ça là, mais c'est pas ça que le texte enseigne. Jésus dit, oui, vous allez être persécutés, oui, ça va être difficile, oui, on va être injuste avec vous autres, oui, on va vous maltraiter, oui, on va vous chasser, oui, on va vous dire toutes sortes de noms, oui, mais un jour, je reviens et je vais vous faire justice. Je vous le promets. Ce juge-là finit par faire justice à la femme. Pourquoi faire? Parce qu'il était écœuré, à Québécois, il était écœuré de l'avoir. Il était écœuré de l'avoir. Il ne veut plus l'avoir. Tu me fatigues, tu me casses la tête. Prends-les ta cabane, puis prends-les ton terrain, je vais te faire justice et sac-moi ton camp, Québécois. C'est ça que ça dit, là, hein, à Québécois, c'est ça que ça dit. Mais il dit, si ce juge-là qui est inique a fait justice à cette femme-là, imaginez-vous Dieu, maintenant. Va-t-il pas vous faire justice à vous aussi, qui êtes maltraité et qui criez à lui, lui toujours, vous priez, vous continuez à prier, vous continuez à prier, vous continuez à prier, jusqu'à temps que je revienne, vous conduisez, il n'est pas en train de dire, vous continuez à prier la même requête, la même requête, la même requête, la même requête, la même requête, jusqu'à temps que vous l'ayez. C'est pour ça qu'il est en train de dire, vous continuez à prier tous les jours, vous adressez à Dieu dans des prières quelconques, et jusqu'à temps que je revienne. Parce qu'ici, je vous fais la suggestion que le mot prière est égal à foi. Si tu as la foi, tu pries. Si tu pries plus, tu n'as plus de foi. C'est ça que ça dit dans le texte. Alors, est-ce que je vais trouver des gens en train de prier? Ben, je reviens. Ben oui, on va en retrouver. Ça va être pas beaucoup, mais on va avoir au moins l'Église. Vous êtes en train de prier. Mais si, je vous dis dans votre vie, vous dites, moi, là, je prie plus, je ne crie plus à ça, Jésus ne reviendra pas, ça ne marche pas, on est maltraité, puis Dieu ne fait rien, puis tu arrêtes de prier, puis tu rejettes tout ça. Ben, attention, mais qui arrive. Attention, mais qui arrive. C'est pas un sauveur que tu vas voir arriver. C'est un Dieu vengeur. La prière, c'est le grand signe de la foi. Quelqu'un qui croit qu'un Dieu qui existe et qui peut l'entendre va prier. Si je crois plus, je prie plus, ça veut dire que j'ai plus la foi. J'ai plus la foi. Je crois plus. Je crois pas qu'il m'écoute. Je crois pas qu'il est là. Je crois pas qu'il entend. Je crois pas qu'il veut me faire justice, donc je m'adresse plus à lui. Fini. Et Jésus, c'est ce que tu es en train de dire ici. Je veux vous encourager, vous les disciples, qui allez souffrir à mon nom, que vous allez être persécutés, vous allez voir des catastrophes, la grippe A, puis vous allez voir le réchauffement de la planète. En tout cas, je dis n'importe quelle connerie, là, mais en tout cas, vous allez voir tous ces enfants-là arriver, vous allez voir des persécutions, des guerres, des chrétiens qui meurent par 100 000, vous allez tout voir ça, mais je vous dis, continuez à prier, lâchez pas. Je reviens un jour vous faire justice. Je reviens un jour vous faire justice. Un jour, c'est eux autres qui vont souffrir et vous autres allez être dans le ciel avec moi. C'est tout ce qu'il est en train de dire ici. Fait que de prendre cette parabole-là et de dire, Jésus est en train de nous dire que si on va lui demander la requête, si on lui demande assez longtemps, il va finir par la donner. C'est pas faire justice au texte. Le texte ne parle pas de ça. Parce que ça, même si on voudrait parler de ça, ça serait le contraire. Si le juge là avait été juste, s'il avait été juste au lieu d'être injuste, combien de fois la femme lui aurait demandé? Une fois. Elle aurait demandé une fois, puis elle aurait fait justice, ça aurait été fini. Mais c'est pas ça qui est le but de l'histoire. Il dit, un juge unique fait justice à une femme qui est persécutée aussi, parce que il y a des gens qui ne voulaient pas lui donner ce qu'elle avait le droit d'avoir, fait qu'on la persécutait. Donc il dit, lui qui est injuste a fait justice à cette femme-là. Imaginez-vous donc, moi, qui est juste, je vais vous faire justice à vous autres aussi. Je vais vous faire justice à vous autres aussi. Et dans Apocalypse, chapitre 18, je vais vous lire quelque chose. Ciel, ou si vous voulez y tourner, ça vaut la peine. Apocalypse 18, verset 20. Je vais vous montrer. Jésus a dit dans Luc 18 qu'il va nous faire justice. Puis là, je vous amène dans Apocalypse 18. Ça n'a rien de spirituel, ça. Luc 18. Je vais vous montrer tout de suite qu'il va le faire. OK? Il va le faire. 18, 20. Apocalypse 18, 20. Ciel, réjouis-toi sur elle. Et vous, les saints, les apôtres, les prophètes, réjouissez-vous, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Ceux qui vous persécutaient, ceux qui vous maltraitaient, ceux qui vous rejetaient, je viens maintenant de la condamner et je vous ai fait justice comme je vous l'avais promis. C'est tout ce que le texte est en train de nous dire ici. Donc, quand les gens veulent prendre ces passage-là ou ces paraboles-là pour vous faire dire, t'as pas été répondu, mais continue, fais comme la veuve, là, continue jusqu'à temps qu'il te le donne pas. Écœure-les comme faut. Moi, des fois, c'est ça que je suis en train de penser. Tu es en train de me dire qu'il faut que j'écœure Dieu pour qu'il me le donne? Faut que j'y casse la tête à ce Dieu-là pour qu'il me donne quelque chose? Voyons, donc Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Parce que l'histoire n'a pas été comptée pour ça. C'est pour ça qu'on part de travers, là. Mais si je la prends dans son contexte du retour du Seigneur, vous allez avoir hâte que je revienne, parce que n'importe quel. Moi, j'ai déjà parlé avec un homme qui était en prison en Russie. Savez-vous quel livre préféré des chrétiens en prison? En Russie? C'est l'Apocalypse. L'Apocalypse. Ils l'apprennent par cœur. il s'en vient nous faire justice un jour. D'attendre. C'est ça qui leur donne la capacité d'attendre. Parce que s'il n'y avait pas cette conviction-là, qu'il va venir et faire justice, il se découragerait et abandonnerait la foi. Il abandonne la foi. Mais ils sont convaincus que Dieu va venir un jour. Alors peut-être qu'ils vont être morts à ce moment-là. Mais il va venir un jour. Il va faire justice aux saints, aux prophètes, aux apôtres, à toute la gang. Puis il dit, je vais faire mourir, je vais juger, je vais condamner. Dans le passage, cette prostituée-là qui était assoiffée du sang des saints. Il dit, je vais la condamner. Il la jette en enfer, il la juge, il la condamne. Il dit, voilà, je vous ai fait justice comme je vous l'avais promis. Vous avez gardé la foi? Et dans le contexte de Luc, en priant, ça démontre votre foi. Vous montrez votre foi à Dieu. Je prie, je crois qu'il m'entend, je crois qu'il est là, je crois qu'il... Et un jour, il va venir, il va nous faire justice. Pour le moment, ça ne va pas comme je pensais que ça devrait aller. Et beaucoup de chrétiens du premier siècle, la première église, la première génération, ont eu beaucoup de difficultés à accepter le fait que Jésus ne revenait pas tout de suite dans leur temps, de leur vivant. Ils ont eu beaucoup de misère. Ils pensaient que Jésus était parti puis il reviendrait tout de suite, il ne mourrait pas avant. C'est pour ça que vous avez des Thessaloniciens, la question, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui meurent? Seigneur, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui meurent? Le Seigneur n'est pas revenu, puis les chrétiens meurent! Ils ne comprenaient pas, là, que ça pourrait prendre 2 000 ans, les autres, là, non? Ils ne pouvaient pas, ça. Mais si un jour, à cause de la foi que tu as, à cause que tu es un enfant de Dieu, tu auras hâte que le Seigneur revienne, parce que c'est pas facile, des fois, pour toi, la vie chrétienne, souviens-toi, un jour, le Seigneur va revenir, et il va me faire justice, il l'a promis. Il l'a promis. Je te promets. Si un jour, tu décides que tu ne veux plus prier, pose-toi bien la question. Est-ce que j'ai perdu la foi? Est-ce que j'ai perdu la foi? Là, je ne vous parle pas de ce que vous demandez dans vos prières. Je ne vous demande pas comment vous le demandez. Je ne vous parle pas combien de fois vous le demandez. Je vous demande si vous arrêtez de prier Dieu dans l'attente de son retour. Moi, je vous pose la question. Regarde bien. Regarde bien dans ta vie. Tu as peut-être perdu la foi. Tu as peut-être perdu la foi. Donc, c'est un bon passage pour nous encourager à prier. Priez. Prions, frères. Jour après jour, jour et nuit, semaine après semaine, on continue à prier. Et ça, on démontre ainsi notre foi dans le retour du Seigneur. Malgré que ça va mal, malgré que ça va tout croche, malgré que des fois nos prières ne sont pas répondues, malgré que les gens pour lesquels on prie, moi j'ai prié pour des gens pendant 20 ans de ma vie, ils sont morts, ils n'ont pas été sauvés. C'est pas facile à accepter, c'est pas facile à vivre ça. C'est pas facile à vivre ça. Puis là, si tu me dis que j'ai pas assez de foi, je me sens encore bien plus coupable. Là, je vais commencer à penser que je suis dans l'enfer, puis c'est de ma faute. Là, si c'est ça, c'est l'enfer. Là, c'est l'enfer pour moi. Mais c'est pas facile, des fois, de comprendre tout ça. Mais il dit, continue à prier, même si tu comprends pas tout le temps. Je te fais la promesse qu'un jour, je vais venir te faire justice. Je vais t'en faire justice. Et tu vas t'en venir avec moi pour l'éternité. Un autre petite parabole dans Luc, verset chapitre 11. Verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. » Pourquoi vous pensez qu'on demandait ça à Jésus? Pourquoi vous pensez que ces hommes-là, qui avaient été élevés dans la foi juive, et qui avaient été aux synagogues toute leur vie, qui avaient lu l'Ancien Testament, une partie de leur vie, dans les synagogues, comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils demandent à Jésus, enseigne-nous à prier? Jean-Baptiste l'a enseigné à ses disciples, enseigne-nous à prier nous aussi, là. Je pense que c'est ça, en grande partie. Ils ont vu Jésus prier, puis ça ne devait pas leur ressembler, ça ne devait pas être pareil. C'est peut-être pas même meilleur qu'eux autres que Jésus priait. Puis Jésus avait tendance à sorcierer, puis prier des heures dans le noir. Puis les autres, c'était plutôt dans le public, dans le temple, dans les synagogues. Puis Jésus, il a osé dire, « Tu réponds toujours à mes prières! » Ils ont dit, peut-être que ce bon gars a demandé de nous enseigner. Hein? Mais quand je vois un gars qui est pauvre comme la gare et qui vient me demander si je peux faire des placements pour moi, je vais dire, laisse faire, mon chum. Laisse faire, mon chum. Je vais aller voir quelqu'un d'autre qu'une Cadillac. Peut-être qu'il a réussi, lui. Mais si toi, t'es pauvre comme la gare, t'as peut-être pas réussi tes investissements tant que ça. Mais Jésus, il prie, puis il prie pas de la même manière. Puis il prie peut-être pas, ils ont peut-être remarqué une intensité dans sa foi, dans son cœur, un désir. Ils ont peut-être même juste pensé, il a l'air aimé ça, prier. Ça paraît être un fardeau pour lui, prier. Qu'est-ce qu'il y a? Enseigne-nous à prier. Montre-nous à prier comme toi tu pries. Montre-nous à prier. Et là, il dit au verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Et il leur dit encore. Mais il va compter une petite parabole pour leur faire comprendre. Une parabole, c'est faite pour quoi? Pourquoi Jésus comptait des paraboles? C'est pour aider les gens à comprendre ce qu'ils viennent dire. Hein? C'est ça la parabole. La parabole, c'est une histoire hein, qu'on compte. Comme vous faites avec vos enfants, tu voulais qu'il y ait de la misère à comprendre quelque chose, vous allez lui compter une petite histoire pour essayer d'aider à faire comprendre. Une parabole, c'est ça. C'est une histoire. La plupart du temps, ce n'est pas des histoires vraies, ce n'est pas des histoires vécues. Il compte une histoire pour aider les gens à comprendre un principe. Donc, il dit, enseignez-nous à prier. Il dit, quand vous priez, adressez-vous à votre Père qui est dans le ciel, priez son nom soit sanctifié, tout cela. Puis là, il leur compte cette parabole-là. Il leur dit encore, à leur demande, enseigne-nous à prier, si l'un de vous a un ami et qui aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, paie-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, ne me importune pas. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Tout un passage, hein? Ça, c'est un enseignement en rapport à la question sur la prière. Là, on est dans un contexte de prière. Il dit, enseigne-nous à prier. Et Jésus, il leur dit ce qu'on appelle communément notre Père. Et là, il veut les encourager à prier ces choses-là qu'il vient de leur dire. Prier que mon nom soit sanctifié, que mon règne vienne, que ma volonté se fasse, et tout ça. Pour les encourager à prier ça, et pour les encourager à croire qu'ils vont être répondus. Il leur compte cette histoire-là. Une histoire, un ennemi comme lui avait, on est mieux avoir des ennemis. On n'a pas besoin d'avoir des ennemis. Vous voyez l'histoire, hein, vous voyez bien, c'est facile à comprendre. Vous arrivez chez nous, à l'improviste, j'ai pas de pain, je pars, il n'y a pas de dépanneur, je m'en vais sur mon voisin et je lui dis, hey, tu me donneras-tu 3-4 pains? Parce que j'ai des amis qui viennent d'arriver et je voudrais lui donner quelque chose à manger avant d'aller se coucher. Puis il vous gueule par à travers la porte. Il n'ouvre même pas la porte, il vous gueule à travers la porte. Va-t'en chez vous! Je suis couché, ma femme aussi, mes enfants aussi, je ne me lèverai pas! Je ne me lèverai pas! Mais pas un bon ami, hein? Pas un bon ami. Il veut pas être dérangé. Il dort. Puis, je vous dis pas que je gagnerai pas non plus, là. Si vous arrivez chez nous à 3h du matin, je dis pas que je gagnerai pas, là, en tout cas. En tout cas, vous êtes mieux de venir en avoir. si vous pouvez. Puis là, Jésus, il leur dit, il va lui donner. Il va lui donner ce qu'il demande finalement. Pourquoi? Parce qu'il est tanné de le voir là. Il cogne à la porte et il dit, à cause qu'il dérange puis qu'il veut pas s'en aller. Puis finalement, il dit, OK, prends lait et pain, puis va-t'en, tu sais, là, laisse-moi dormir avec ma femme, mes enfants. Il répond pas par amour. Il répond pas par miséricorde, par compassion pour son ami. Non. Il veut juste s'en débarrasser, prends lait et pain, va-t'en. Dieu est-il comme ça? Pouvez-vous déranger Dieu? Dieu dort-il? Dieu a-t-il une femme et des enfants? Dans sa... Et puis là, il dit, ah, tu me déranges, François, là, c'est pas le milieu de la nuit, là. Dérange-moi pas, là. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, pourquoi qu'on pense que Dieu est comme ça? Dieu n'est pas comme ça. Moi, je dis tout le temps, quand vous arrivez à la porte, vous cognez pour parler avec Dieu, il va ouvrir la porte avant de vous toucher à la porte. Il vous attendait à la porte. Il ne dormait pas, lui. Hey, François, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il attendait à la porte. Il n'est pas dans son lit en train de dormir, puis dérange-moi pas, fatiguant. Dieu dit, je ne suis pas comme cet homme-là, moi. Je ne suis pas comme ce gars-là, moi. Tu peux venir me voir, moi. Quand tu veux. N'importe quelle heure du jour de la nuit, tu peux venir me voir. Viens cogner à ma porte, je vais t'ouvrir. Adresse-toi à moi, je vais te répondre. Viens, viens, je t'attends. Il n'est pas comme ce gars-là. Il n'est pas comme ce gars-là. Il dit, quand vous allez prier, dites-vous bien, Dieu vous attend. Dieu ne dort pas. À n'importe quelle heure du jour de la nuit, vous vous réveillez, il est 2 heures, faites comme moi des fois de l'insomnie. Mais n'ayez pas peur, Dieu ne dort pas, lui. Vous pouvez commencer à lui parler. Votre père va peut-être grogner si tu veux la réveiller pour lui parler. Vous allez dire, non, je m'en tranquille, dors, tiens, fatiguant. Mais Dieu, tu peux y parler, tu ne le dérangeras pas. Tu ne le dérangeras pas, Dieu. N'importe quelle heure du jour de la nuit, dans ton auto, à pied, en vélo, partout ce que tu vois, Dieu est toujours prêt à t'entendre quand tu veux lui parler. Puis il est toujours là. Il est toujours là, ben oui, toujours. Il n'est jamais ailleurs, en vacances, à quelque part, comme les dieux des païens. Qui est plus fort, peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est parti en vacances. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il n'est pas en vacances, il ne dort pas. Il est toujours prêt. C'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est pas la répétition aussi. L'enseignement, c'est pas demander à Dieu, cogne à la porte, cogne à la porte, jusqu'à temps qu'il vienne répondre. Non, c'est pas ça l'histoire. Si je suis pas comme ce gars-là, je suis pas comme lui. Si tu viens cogner à ma porte, je vais ouvrir tout de suite, avant même que tu frappes. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin, viens me parler. C'est ça l'histoire, c'est ça qu'il soit a dit. C'est ça qu'il va dire un peu plus loin. Je suis pas comme vous. Là, il parle à qui? À nous. Je suis pas comme vous. Il dit, vous êtes méchants, vous. La plupart d'entre nous, on n'aime pas ça, si tu veux dire ça, pour le Seigneur Jésus. Vous êtes méchants, vous. Mais vous donnez pas quand même des bonnes choses à vos enfants. Vous ne donnez pas du poison à manger le matin. S'ils disent, je veux avoir un œuf, vous ne sortez pas un scorpion du frigidaire. Vous donnez des bonnes choses à vos enfants, même si vous êtes méchants. Imaginez-vous, moi, que votre Père Céleste qui est bon. Bon comme on ne peut pas s'imaginer. Vous pouvez me demander ce que vous avez besoin. Vous pouvez me demander ce que vous avez besoin, vous savez. N'ayez pas peur. Venez me demander. Là, je ne parle pas de ce qu'on peut demander, de ce qu'on a besoin, mais oui. Au verset 13, il dit le Père Céleste donnera-t-il, forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit. C'est là que je t'ai rendu. C'est parfait, Daniel. Tu suis. C'est là que je t'ai rendu. Tu suis, c'est bon. Ici, il dit, moi, qui est votre Père, qui est bon, puis pour vous manifester ma bonté, pour vous montrer à quel point je peux vous donner ce que vous demandez, je vais vous donner la plus grosse affaire que j'ai de cet esprit. Vous pouvez même me demander ça. Asseyez-les. Demandez-les cet esprit, et je vais vous le donner comme ça. C'est le plus gros paquet que je peux vous donner, ça. Parce que cet esprit, c'est quoi? C'est lui-même. C'est Dieu. Un jour, j'ai demandé à Dieu. Puis, il m'a pardonné mes péchés, il m'a purifié, puis il m'a donné le Saint-Esprit. Il a reposé ma prière, il me l'a donné. Il dit, je suis tellement bon que je vais te donner mon Esprit Saint. Fait que les autres choses que vous pouvez demander, là, peu importe c'est quoi, là, on n'en parlera pas tout de suite, mais peu importe c'est quoi, c'est toujours moins gros que le Saint-Esprit. C'est toujours moins important que le Saint-Esprit. Moi, je me dis, si Dieu nous avait donné juste ça, puis tu feras ça, je vais te donner ça, puis c'est fini après. On en aurait assez. On en aurait assez pour vivre notre vie chrétienne. On en aurait assez. On n'aurait pas besoin d'autre chose. Mais nous, frères et sœurs, ce qu'on veut, qu'on ne veut pas se l'avouer, c'est les autres choses, des fois, qui nous intéressent. Hein. C'est les autres choses qui nous intéressent. Puis, si tu penses que je ne t'aime pas parce que je ne réponds pas aux autres choses, hein, regarde, je t'ai déjà donné le Saint-Esprit. C'est la preuve. C'est la preuve que je t'aime. Parce que je suis prêt à répondre à tes prières. J'ai déjà donné le Saint-Esprit. Parce que, souvenez-vous, on est des évangiles. Quand il dit « Je peux vous donner le Saint-Esprit », il ne disait pas ça à des chrétiens. N'oubliez pas ça. Là. Il ne disait pas ça à des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens qui prient pour avoir le Saint-Esprit, c'est là. C'est des inconvertis qui vont prier pour ça tout à l'heure. Là. Parce qu'il va leur dire un peu plus loin, je vais vous envoyer cet esprit. Donc, il ne faut pas mettre ça dans le contexte. C'est des chrétiens maintenant qui n'ont pas cet esprit et ils vont prier pour l'avoir. Non, non, non, ça ne parle pas de ça. Là. Il dit, je peux vous prouver que je suis votre Père dans le ciel et que je peux vous donner ce que vous avez besoin, ce qui est bon pour vous autres. Parce que moi, je vais vous donner ce qui est bon. Et je vais vous donner même cet esprit quand vous allez le demander. Moi, je vous dis, mes frères et sœurs, les plus grandes bénédictions de ma vie chrétienne, je les ai reçus sans le demander. Sans le demander. Ce que je vous dis, c'est comme ça. Parce que souvent, si Dieu m'avait laissé faire, je ne les aurais pas demandé, j'aurais continué à prier mes autres choses. Les affaires moins importantes. Puis même les choses, quand il me les donnait, que je pensais, moi je me verrais de bord tellement en québécois, colon. Dieu me donnait une bénédiction, moi je priais pour qu'il l'enlève. Je pensais que tu n'as pas de bénédiction, moi. Je pensais que tu n'as pas de bénédiction, mais je priais. Ça dit, enlève ça! Je suis malheureux! Ça ne marche pas! Enlève ça! Il n'enlevait pas! 6 ans après, merci, tu l'as pas enlevé, c'était la bénédiction de ma vie! J'ai grandi dans ma foi à travers ça. Mais moi, je ne la voulais pas. Voyez-vous? On ne sait pas quoi demander. Paul me dit, vous ne savez pas quoi demander, vous autres les chrétiens. Vous ne savez pas! Mais il dit, le Saint-Esprit, c'est lui ce que vous avez besoin. Puis il dit, il va vous donner ce que vous avez besoin. Dieu est tellement bon. Il va nous donner ce qu'on a besoin. Vous autres, les parents, vous ne donnez pas tout ce à vos enfants ce qu'ils veulent. Voyons, donc si vous le faites, venez me voir. Je vous en prie, venez me voir. Je vais vous parler. Mais vous leur donnez ce que vous pensez que c'est bon pour eux autres. On se trompe parce qu'on n'est pas parfait, nous. Hein? C'est correct. Mais Dieu qui est parfait, il va nous donner ce qui est bon pour nous. Et même si on ne le demande pas parce qu'on n'est pas assez brillant spirituellement pour le demander, il va nous le donner quand même. Il va nous donner quand même, parce qu'il veut notre bien. L'apôtre Paul, il dit dans je pense que c'est dans Colossiens ou dans Philippiens, il dit, Dieu, c'est dans Philippiens, je pense, Dieu a des plans pour vous, seulement que des plans de bienveillance. Hein. Dieu, c'est tout ce qu'il veut, c'est votre bien. Il ne veut pas d'autre chose que ça. Il veut juste votre bien. Puisque vous avez besoin, et même si vous n'êtes pas capable de le demander, même si vous ne voyez pas que vous avez besoin, il dit, je vais vous le donner, moi. Je vais vous faire grandir. Vous faire avancer. Donc, ces paraboles-là ne sont pas là pour vous encourager à répéter. Non. La première parabole, c'est vous encourager à persévérer. Prie jusqu'à temps que je revienne te chercher. Ici, la parabole, c'est demande. Je suis un bon père et je vais te donner. Pas tout ce que tu veux. Non, non, il faut faire attention. Il ne faut pas exagérer ça. Mais il dit, viens me demander. Puis ose me demander. Moi, là, je vous dirais, la requête la plus osée que vous pouvez faire dans votre vie, vous l'avez déjà faite. C'est de lui demander de vous sauver. Parce que vous ne le méritez pas tout, je vous garantis. Vous avez osé demander à Dieu, sauve-moi, fais de moi ton enfant. Ça fallait avoir de l'audace, là. Parce que si vous feriez du mal à quelqu'un, autant vous n'avez fait à Dieu, qu'il vienne vous demander quelque chose de même, vous diriez, va te faire foutre, mon écœurin. Ça, vous répondriez, vous autres. Mais nous, on a osé dire à Dieu, malgré tout le mal que je t'ai fait, malgré toutes les injures que je t'ai dit, malgré toutes les blasphèmes que j'ai faites contre toi, malgré toutes les abominations que j'ai commises contre toi dans ma vie, je t'en prie, donne-moi la vie éternelle quand même. Donne-moi la vie éternelle quand même. Ça faut être baveux en bébête, hein? Mais c'est parce qu'il a dit, tu peux le demander. C'est pour ça qu'on l'a demandé, hein. Enfin, il a dit, demande-le, je vais te le donner. Et on l'a demandé, il nous l'a donné. C'était la plus, fait que faut jamais que vous doutiez, mes frères et sœurs, jamais douter que vous n'avez pas assez de foi. Vous n'avez assez de la foi. Faut jamais douter que Dieu veut votre bien. Il veut votre bien. Il ne faut jamais douter qu'il vous attend et que vous pouvez lui demander ce que vous avez besoin. Il dit, je t'ai déjà donné le plus grand, je t'ai donné le Saint-Esprit, donc tu peux me demander ce que tu as besoin pour vivre la vie chrétienne. Demande-moi là, je vais te le donner. Je t'ai déjà donné le Saint-Esprit. Je vous encourage. N'utilisons pas la prière pour nos bébelles. N'utilisons pas. Faisons pas cet affront à Dieu de prendre ce moyen-là magnifique qu'il nous a donné pour avoir nos bébelles. Nos convoitises qu'on veut. Notre vie facile qu'on aimerait. Gagner notre loto qu'on voudrait gagner. Avoir du beau temps pour les vacances. Hein. Protéger nos enfants des accidents. Toutes nos bébelles. Toutes nos bébelles. C'est pas ça. C'est pas fait pour ça. À ma tête, à moi, c'est pas fait pour ça. Demandez ce que vous voulez. Il l'a dit, ça. Hein? Demandez ce que vous voulez. Avez-vous déjà entendu le passage, c'est dans Isaïe ou dans les psaumes? Fais l'Éternel tes délices. Et il te donnera. Ça veut dire quoi? Si je vais dans un restaurant, j'y vais le jeudi soir, on va jouer au badminton, puis on va au resto après, moi et mon chum. Puis on rentre. Puis la madame a commencé à nous connaître. Ah, c'est jeudi soir, oui, là, là, là, là. Puis on arrête devant la boîte avec les gâteaux dedans. Puis un café, puis un petit morceau de sucré. Et si ce qui fait mes délices, c'est la tarte au citron, ça fait mes délices, la tarte au citron. Et s'il y en a une dedans, qu'est-ce que je vais demander, vous pensez? La tarte au citron. Je ne demanderai pas une tarte au sucre si je n'aime pas la tarte au sucre. Je vais demander la tarte au citron parce que ça fait mes délices. Si l'Éternel fait votre délice, qu'est-ce que vous allez demander? Un char? Mais non! L'Éternel! C'est lui que vous allez avoir, vous voulez avoir. C'est Jésus que vous voulez avoir. C'est l'Esprit de Dieu que vous voulez avoir. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ça qui fait votre délice. C'est ça que vous allez demander. Nous, on a viré ça de bord, puis il va te donner tout ce que tu veux. Voyons donc. Ben oui, il va me donner tout ce que je veux. Parce que ce que je veux, c'est Dieu. Il va me donner. Si c'est ça, c'est l'Éternel qui fait mes délices. Donc, je demande mes délices, puis il me les donne. Mais nous, on demande d'autres choses. Il y a d'autres choses qui font nos délices, puis on voudrait avoir ceux-là. Puis ceux-là, il n'y a pas de promesse, là. Et vous êtes comme moi, frères et sœurs, vous êtes comme moi, vous êtes probablement interrogé comme moi. Moi, j'ai déjà fait ça la nuit, d'insomnie, marcher dans les rues chez nous à noirceur, puis regarder les inconvertis puis les envier. Je suis un quartier ou je suis un pasteur? Tu dis, ils ont une plus belle vie que moi, mon Dieu. Comment ça, ça donc? J'ai une belle santé, moi je suis malade, ils ont des belles maisons, moi j'ai une cabane. C'est quoi l'affaire? On était. Azaf, vous vous souvenez, Azaf était de l'insomnie, il faisait ça aussi, Azaf. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Les inconvertis meurent, gros comme des voleurs. Ils ont plein d'argent, des enfants, ils sont dans la joie. Nous autres, on souffre, on est malades. Puis... Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi tu n'agis pas? Et Dieu dit à Azaf, attends, mais tu meurs, tu vas voir la différence. Et Dieu au ciel, j'ai un grand trésor au ciel que les autres n'ont pas. Puis le mec qui meurt, les autres vont être en enfer, et toi, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Il faut faire attention. Si vous pensez que la prière, c'est pour avoir vos bébelles, on appelle ça une religion. On appelle ça une religion. Regardez toutes les religions du monde. La prière, c'est faite pour avoir leurs bébelles. Mais pas pour les chrétiens. Les chrétiens, c'est pour servir Dieu, c'est pour faire avancer le plan de Dieu, c'est pour faire la gloire de Dieu, c'est pour que Christ soit glorifié, c'est pour que les gens soient sauvés, qu'ils s'attachent au peuple de Dieu et qu'ils glorifient Dieu pour l'éternité. C'est ça, c'est pour ça que ça nous a été donné, ça. Donc j'espère que ça va vous être utile. Si je vous ai mélangé, écoutez-le une deuxième fois. Ou une troisième. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci de nous avoir laissé la capacité, le privilège de s'adresser à toi. Parce que dans certaines religions, leur Dieu est inaccessible. Mais dans notre foi à nous, tu es un Dieu omniprésent. Tu habites dans le cœur de chacun de nous, tes enfants. Tu ne peux pas être plus proche. Et tu es à la porte et tu attends juste qu'on aille voir et te parler parce que tu aimes ça. C'est un de nous de bien comprendre la prière comme tu voulais que les disciples la comprennent. De mieux comprendre que la prière, ce n'est pas pour nous, mais pour toi. La prière, c'était pour te servir et non pas pour que tu nous serves. Comme la grâce était pour te servir et non pas pour se faire servir. Aide-nous à se voir comme des serviteurs et non pas comme des gens qui veulent être servis. Dirige-nous. Peux-tu bénir notre temps ensemble autour du repas? Merci pour ce repas que tu nous as donné en tant que ta famille. On bénit ceux qui l'ont préparé. On bénit pour ceux qui ont investi financièrement pour que ça puisse se produire. Et on te demande que nos conversations puissent te glorifier. Au nom de Jésus. Amen.